Chers auditrices et auditeurs de Canal B, ravi de vous retrouver pour une nouvelle session radiophonique de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz, également à partir de son blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Et cette semaine, on accueille un revenant. Salut Philippe. Salut les auditeurs, salut à toi aussi Philippe, un ex-animateur de Canal B il y a très très longtemps. Je pense que les gens reconnaissent ta voix, l'émission La Peau des Héros, c'est comme ça que ça s'appelait pendant à peu près 18 ans. 18 ans, ouais. Émission défunte depuis 3-4 ans, je ne sais plus exactement, enfin ça fait un petit moment. Qui était sur ce même créneau horaire d'ailleurs les dernières années, de 21h30, 23h et des poussières, voilà, passé de quelques minutes comme tu le disais à l'époque. Donc on va écouter une partie de tes sélections, camarade Heroskin, mais je vous propose de démarrer avec l'une des miennes, un peu de rock histoire de se décrasser en ce début de semaine, et on attaque avec une formation suisse, un trio de Lucerne qui répond au nom de Schneller, Toller, Meyer. C'est plutôt du punk jazz ou du jazz brutal, un peu hardcore, avec un guitariste qui envoie, qui s'appelle Manuel Troller, qui a étudié aux côtés de Fred Friis. Autant dire que ce n'est pas un manchot. Je crois que c'est leur deuxième disque qui répond au nom de X, qui est sorti en début d'année sur le label américain Cuneiform Records. On vous l'avait déjà proposé en tout début d'année, et on récidive avec un titre un peu de circonstance qui s'appelle Massacre de printemps, puisque je crois que c'est déjà le printemps. Voilà, on écoute donc Schneller, Toller, Meyer dans l'acide le plus sûr. À tout à l'heure. Thank you. On a démarré le programme de joyeuseté radiophonique de l'Asile le plus sûr de cette semaine avec du brutal Noise Power et le trio Schneller Toller Meyer, trio des Alpes Suisses, qui vient de sortir son deuxième disque qui répond au nom de X. C'est sorti sur Cuneiforme. Et l'album est plutôt pas mal. Il y a des longues pièces d'un quart d'heure, plutôt dans un registre un peu post-zizite, on pourrait dire, pour ces trois-là. Et on a rencontré aussi le batteur dans des projets un peu free jazz ces dernières années. Et c'est enchaîné avec le projet solo Macno et le disque The Third Season, publié très récemment par le label italien Wallace Records, un projet totalement en solitaire par le multi-instrumentiste Paolo Cantu, pilier à l'époque début des années 2000 du combo noise expérimental Short Apni. On écoutait pas mal ça à l'époque des studios de Bru, et on vous a passé ça. Ça remonte longtemps, ça. Ah oui, tout début de l'émission L'Asile le plus sûr Nouvelle Mouture, donc vers 2003-2004, il y avait eu une série de disques très très bons de cette formation italienne Short Apni, et donc son guitariste multi-instrumentiste Paolo Cantu qui fait cavalier seul avec ce qui est, je crois, son deuxième album en date, The Third Season. Le projet s'appelle Macno, M-A-K-H-N-O, et apparemment il a officié dans pas mal de choses dans les années 90, notamment After Hours ou encore Six Minutes War Madness. Ça dit quelque chose, donc non, pas absolument trop. Rien. Non. Ça doit un peu plus parler peut-être aux gens, aux camarades de Kerosene Cafuel. Voilà, ouais, c'est de la musique tout à fait pour eux, ça. Hein. Ça, si vous posez des trucs, voilà. S'ils connaissent pas, bah, c'est des propositions. Voilà. Mais voilà. S'ils connaissent sans doute déjà. On va continuer avec une de tes sélections, Philippe. Ouais, on va continuer aussi dans les trucs un petit peu violents, mais pas du tout le même genre de violence. Là, ça va être plus de la violence verbale avec Consumer Electronics. C'est un vieux groupe industriel à la base, hein, puisqu'on retrouve là-dedans Philippe Best, qui a fait partie de White House, de Skull Flower aussi, si je me rappelle bien. Donc c'est un groupe qui officie pas forcément avec ces gens-là, mais qui officie avec notamment Philippe Best depuis 1982. Et donc là, c'est une nouvelle formation autour de Philippe Best. On retrouve Russell Aswell, qu'on connaît bien, un mec qui fait de la noise et électronique. Principalement, on trouve aussi une nana qui s'appelle Sarah Frolich, qu'on voit un petit peu de temps en temps depuis assez récemment, sur des collaborations surtout. Ça déménage plutôt pas mal, c'est essentiellement de la voix et puis l'électronique un petit peu noise derrière. Assez actif, hein, parce qu'il y a deux disques. Ouais, il y a deux, trois disques là qui sont sortis récemment. Ils sont actifs. Enfin, disons que c'est un projet que Philippe Best ressort par intermittence. Et donc là, en ce moment, ils ont l'air plutôt d'être dans une phase assez active. Ils doivent tourner pas mal, je suppose. Mais pas par ici. C'est sorti sur Dieter Promotions. C'est là-dessus on retrouve pas mal de gens de la scène industrielle. Je pense North East Wound, comment il s'appelle, Cuttens, tous les disques de Cuttens de William Bennett, oui. Donc sont sortis là-dessus. Enfin bon, c'est vraiment un bon label de musique industrielle. Donc je vous propose le titre Sex Offender Boyfriend, cet extrait de l'album Estuary English, et c'est sorti fin d'année dernière. Stay. tell you this, they drink the wind, they lose right back on every time. Yeah, that's perfect. Let me tell you this, I'm very rich, I can satisfy you. You want girls, I'll give you girls. You want boys, I'll give you boys. They put it all right back on. Remember that. I'll crash down on your computer now. I'll expect to be as perfect low and that's going to be with a baby now. Bon, t'as démarré fort dans les musiques rock brutistes. Moi, je me suis pas trop mal sorti non plus, mais plus dans les bidouilleries électroniques. Tout d'abord, Consumer Electronics, groupe autour de Philip Best, Hext, White House, Coldflower, avec aussi Russell Aswade au Noisery et Sarah Frolich aussi au Noisery, un petit peu de vocaux aussi, parfois sur quelques morceaux. On entend surtout Philip Best. Celui-ci s'appelle Estuary English, l'album. Okay. Donc, il y en a un autre qui est sorti plus récemment, qui est un. Soit un maxi, soit un 45 tours, parce que j'ai pas vraiment le format physique, mais qui est plus accessible, carrément. Plus comme la fin du morceau. Où en fait, il, pas ambiante quand même, faut pas déconner, mais, non, mais beaucoup plus accessible et musicalement, c'est moins dur et il braille moins, en fait. Okay. Et donc, du coup, c'est presque de la pop. En tout cas, enfin, si vous comprenez l'anglais, ça doit être assez intéressant. Moi, je comprends l'anglais assez bien, mais j'ai un peu de mal quand même, parce qu'il parle quand même assez vite. Et puis, son accent cockney est quand même très prononcé. Et pour suivre, c'était Frank Brettschneider, un disque sorti début janvier sur Rasternauton, un de mes labels fétiches. L'album s'appelle Sin plus Form, et en fait c'est un Frank Brettschneider un peu inattendu, parce qu'on a l'habitude des petits glitcheries électroniques super léchés, et là apparemment il a dû faire une résidence en 2014 à Stockholm pour utiliser des synthés, des vieux synthés modulaires, le Bushla et le Serge, des synthés analogiques. Et donc voilà, il a sorti un album à partir de ça qui est plutôt assez intéressant, pas mal de bidouilleries comme ça. Il y a une espèce de grand retour en ce moment sur les synthés modulaires. Il y a d'ailleurs pas mal de constructeurs de synthés aussi qui font des synthés modulaires, des émulateurs aussi beaucoup. Non, pas vraiment des émetteurs, vraiment des vrais synthés modulaires, des tout petits souvent, des trucs pas très chers en plus, mais vraiment de modulaires. Tu branches tes machins, enfin tu fais tes petits sons. Il y a aussi évidemment, bien entendu, plein de d'émulateurs qui existent, mais c'est pas physique l'émulateur. Ok, en tout cas j'irai écouter ce disque qui est vraiment très très bon. Là, la pièce qu'on entendait. Puis assez régulièrement on passe des choses en modulaire récentes, notamment Sarah Devejic, une plasticienne sonore canadienne qui fait uniquement des choses sur ces instruments-là et qui a à peu près 28 ans, je crois. Voilà, donc c'est un vrai grand retour de cette lutherie électronique. Peut-être aussi que les studios comme le MS, trucs comme ça, ouvrent aussi leur vieux machin à plus de personnes aussi, moins dans des gens qui sont moins dans un réseau académique, on va dire. Ouais, c'est possible, ouais. On continue avec une autre de tes sélections Oui, on peut continuer. Alors cette fois-ci, c'est des filles. Enfin, il y aura quand même un garçon dans le lot. J'ai une petite série avec trois filles. Le premier truc, c'est un Italien. Enfin, c'est un Italien et une Italienne. Donato Tozzi, un mec que j'écoute depuis un petit moment, qui fait une espèce de techno ambiante, d'une petite rythmique techno un peu sous-jacente, des trucs un petit peu noisy, enfin, tu vois, dark ambiante techno. Un bon tu producteur, ouais. Qui produit des choses vraiment très très bien. Et là il s'est accoquiné avec une nana qui s'appelle Anna Caragnano, que je ne connaissais pas du tout. Visiblement elle n'a pas sorti non plus grand chose. Elle chante essentiellement, probablement, à mon avis elle a plutôt une formation type classique ou quelque chose comme ça. C'est un album qui s'appelle Synthetizatrice Trizze, ou je sais pas quoi, c'est mon dit, mais je sais pas, très fort en italien. Donc une espèce de jeu de mots entre le côté synthétiseur et puis cantatrice. Et en fait, c'est basé sur des petites sonorités effectivement électroniques de Donato Dozzi, mais qu'on entend plutôt de manière sous-jacente. Et c'est surtout la voix la voix ressemblée, retravaillée d'Anna Caragnano qui est présente sur cet album. C'est donc sur la petite division Spectrum Spool. Hein, d'édition Mego. Donc je vous propose le titre Parola, donc Anna Caragnano et Donato Dozzi.

too with orange. Not only with orange. Oh, Thank you. Bon, dès qu'il y a des filles, on se calme un peu quand même. Hein. Oui, excuse-moi, Félicia. trois petites séries, enfin trois artistes dans une petite série un petit peu ambiante, un poil abstracte quand même. Avec pour démarrer la série, donc c'était Anna Carignano et Donato Dozzi. Parola. Tu vois, je fais bien en italien oui. Quand même. Juste à suivre, c'était une artiste russe qui s'appelle Dasha Rush, en fait, qui fait pas mal de productions techno, pas très speed, donc elle fait beaucoup de DJing et elle fait aussi de la musique. Elle était plutôt connue sur ses productions plus techno, et là elle vient de sortir un album sur Rastronauton, un album plutôt assez cool, tranquille, presque pop parfois. Ça s'appelle Sleep Step Sonar Poems for My Sleepless Friends. Il y a des choses très bien dessus, il y a des choses qui sont un peu trop pop pour moi. Là, je vous proposais un titre, un clin d'œil aux Beatles, sans doute Lucy in the Sky, Lost Diamonds. Apparemment, elle est expatriée de Russie. Hein. Ouais, elle vit un peu partout. Bon, elle voyage beaucoup, Berlin, Paris. Enfin, bon, visiblement, elle ne doit plus tellement aller trop en Russie. Okay. Voilà. Et c'est sans doute comme ça qu'elle a rencontré des gens de Rastronauton qui lui ont proposé de faire un disque chez eux, un disque un peu iconoclaste aussi chez Rastronauton, parce que c'est pas vraiment dans la lignée de ce qui a pu se faire récemment sur le label. Et pour terminer la série, c'était une autre fille avec Felicia Atkinson, que je suivais un petit peu dans La peau des roues, que j'ai même fait jouer dans une headphone session avec les gens d'Electronica. Et là, c'est son tout dernier disque en date, sorti tout début mars, Ready Made Ceremony, sorti sur un label français que je ne connaissais pas, qui s'appelle Shelter Press. Label de Bartholomé Sanson, voilà, qui est un ancien Rennais d'ailleurs. Il a été dans le coin. Ok. Et donc du coup, 5 titres plutôt bien, donc pas mal de collages à partir de sons qu'elle a enregistrés elle-même. On sent le petit côté lofi qui est un petit peu caractéristique de son style à Felicia Atkinson. Et le côté spoken words avec des textes un peu intello sur les bords. Mais c'est une nana qui vient un peu des écoles d'art, machin. Voilà, elle se la pète un peu pour ça quand même. Oui. Non, mais c'est un disque plutôt réjouissant en tout cas. Bah, je te remercie Philippe, puis on va enchaîner avec une de mes sélections. Et encore des Italiens. J'ai écouté pas mal d'Italiens aussi le week-end dernier, notamment une nouvelle formation qui répond donc de Satan Is My Brother. Alors il y a beaucoup de Satan, de groupes avec Satan dans le titre. Ceci pratique une sorte d'ambiance électronique matinée de jazz. En fait, c'est un cocktail assez étonnant. En fait, musique un peu tripante, tapis électronique sur fond de jazz à base trombone, saxophone. Et aussi une batterie un peu décousue. C'est sorti sur le label Boring Machines, ce disque They Made Up Climb Up Here, qui est un label qui est assez productif en ce début d'année, notamment avec un disque sorti de Zev et Simon Balestrasi, et puis pas mal d'autres choses tout aussi intéressantes, notamment Dream Weapon Ritual. Alors on est plutôt dans l'ambiance un peu post-industrielle avec ce label de Trévise, Boring Machines. Et donc là, c'est le deuxième ou troisième disque en date de Satan Is My Brother. Les précédents étaient également sortis sur Boring Machines. Il y en avait notamment un qui était accompagné d'un DVD avec un film muet qui s'appelait L'Inferno. On écoute un extrait de cette longue suite de Satan Is My Brother et ce sera plutôt le sœur de passe. On écoute ça tout de suite. petite coupure, donc tu m'entends ? Oui, oui, c'est bon. Ouais. Alors, je t'entends assez mal, à vrai dire, donc... alors, attends, je sais pas si c'est mon casque, voilà. Donc, on a entendu... Les joies du direct. Comment, les joies du direct, oui, voilà. Alors, on a démarré tout d'abord avec Satan is my brother. J'ai toujours une voix de machine dans mon casque, c'est assez étonnant. Et le disque The Made Up Climb Here, qui était donc une formation italienne qui a sorti un disque sur ce label de Trevis Boring Machines, ce qui est enchaîné avec une formation québécoise qui répond au nom de Klaxongueule. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, pas Phil. Pas du tout, j'ai jamais entendu parler. Klaxongueule, c'est un trio, en fait, de gens un peu autour du label Ambiance Magnétique, notamment Bernard Falaise, Michel F. Côté et Alexandre Saint-Onge, donc plutôt une musique d'expérimentation, on va dire post-jazz. C'est un disque qui vient de sortir, leur sixième opus qui s'appelle Pour en finir, qui est vraiment très très bon de bout en bout, donc un mélange un peu improvisation électroacoustique, on pourrait dire. Voilà, je te passe la parole, Phil. Eh bien, nous, on va aller maintenant du côté de Berlin avec un artiste dont je ne sais pas vraiment grand-chose, si ce n'est qu'il a monté un label avec deux copains qui s'appelle Arboretum et qu'il fait une espèce de musique matinée de techno, dark ambiante, un truc assez, bien dark, assez abstrait. Et je vais vous en proposer un extrait d'un petit EP qui s'appelle Vasun Daraf et c'est le titre Elliptique Heritage, le temps qu'on résout ces petits problèmes de sonorité machine. Vous êtes toujours dans l'asile le plus sûr versus La Peau des Héros ou ex-La Peau des Héros en compagnie de Phil Hiroskin avec deux de ses sélections enchaînées. Voilà, deux trucs dans une ambiance assez, assez similaire finalement, des choses assez dark. Ambiante, il y a un poil matinée de techno mais vraiment sous-jacente pour le premier, pour Drop, l'album Vazundara, et là c'était James Ginsburg associé à Yair Elazar Glotman. Alors ceux qui connaissent ce genre de musique, c'est pas vraiment des inconnus puisque James Ginsburg il fait partie de MT7, un duo de Bristol qui a des productions un peu dans ce genre là assez âpre, déstructuré. Ils avaient sorti un album sur Rastornoton l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus exactement. Et puis hier, Elazar Glotman, il est connu aussi sous le nom de Ketev, un type qui fait une espèce de techno assez abstraite aussi. Et ça, c'est la musique, c'est un disque qui s'appelle Nimb. En fait, c'est la musique d'un spectacle qu'ils ont fait avec un ancien Rennais, là aussi, un type qui fait du VJing, enfin plutôt du VJing monumental d'ailleurs, et qui s'appelle Joanie Lemercier. C'est parti d'un collectif actif ici il y a très très longtemps, enfin très très longtemps, au début des années 2000 on va dire, quelque chose comme ça, qui s'appelait le collectif Anti-VJ. Après ils sont partis sur Bristol et puis depuis il a tracé sa route lui aussi et il fait des spectacles un peu partout sur la planète. Un coup il est à Singapour, l'autre coup il est à New York, et là c'était un spectacle qu'ils ont fait sur un dôme géant à Berlin. Donc il y a la BO, la BO plus deux remixes, et je vous proposais un remix signé Eric Holmes, qui est en fait un des mecs du label Subtech, le label de Rolly Porter, des choses comme ça et d'ailleurs il me semble que MT7 ils avaient sorti aussi un disque sur Subtech. Faut le faire venir ton camarade pour l'inauguration du métro deuxième ligne. Pourquoi pas, hein, je sais pas, mais bon, je pense. Non, mais... Je pense maintenant qu'il coûte. Des élus qui nous écoutent. Ouais, ouais, il coûte assez cher maintenant ce camarade Joanie Lemercier. Ok. Est-ce qu'on enchaîne avec une autre de ces sélections? Non, vas-y, vas-y. Ok, d'accord. Je te laisse la main. Donc on enchaîne avec un monsieur à qui je souhaitais rendre hommage depuis déjà quelques semaines. Il s'agit de Todd Dockstader, musicien électroacoustique et concret américain, un peu méconnu, qui est parti fin février. On n'avait pas eu l'occasion de vous en parler jusqu'ici. Todd Dockstader, Dockstader, c'est jamais très facile à dire. Non, c'est pas facile à dire, celui-là. À qui, différents ont rendu pas mal hommage ces dernières années en produisant sa musique, notamment Recommended Records ou encore Sub Rosa, avec notamment la série des Aerial 1, 2, 3. Ça, c'était à peu près au milieu des années 2000. Pas une production non plus fantabulesque, mais il a fait surtout de l'illustration sonore. Je pense notamment à pas mal de cartoons qui ont bercé notre enfance, notamment les musiques de Mr. Magoo, voilà, genre de choses. Ouais. Enfin, ça vient tout, hein. Exactement. Exactement. Et là, je vous propose de démarrer avec une séquence de pièces plutôt du milieu des années 60. Il a commencé fin des années 50 ses compositions électroacoustiques et concrètes. Là, il s'agit d'une suite qui s'appelle Apocalypse, qui est extraite d'un disque qui était sorti en 66, qui réunissait trois pièces, Luna Park, Traveling Music et Apocalypse, donc, et qui a été réédité d'ailleurs l'an dernier sur le label Doxy, mais je crois que c'est une réédition non officielle. En tout cas, il y a un CD également de cette musique de Monsieur Todd Dockstader. On écoute la partie 4 de l'Apocalypse par Monsieur Todd Dockstader. Thank you. une séquence de musique électronique par des Américains qui a démarré avec les pièces concrètes de Todd Dockstader, musicien méconnu qui pratiquait ce genre de choses au milieu des années 60 aux États-Unis. Là, il s'agissait de Apocalypse, extrait d'un triptyque publié en disque qui vient d'être réédité, Luna Park, Traveling Music et Apocalypse. Todd Dockstader, donc, il a tiré sa révérence à la fin du mois de février et qui était enchaîné avec la musique de Charles Cohen. Tout à l'heure, tu parlais beaucoup des synthés modulaires. Alors lui, il s'est fait un peu une spécialité de ce genre de musique depuis une bonne quarantaine d'années, notamment sur les instruments de Monsieur Buchla, qu'il a customisé. Il pratiquait beaucoup sur des musiques pour la scène et on a redécouvert sa musique très récemment. Il y a eu un très bel article, très beau dossier dans le magazine The Wire et le label Morphine de Rabbi Behani, alias Morphosis, le musicien d'origine libanaise qui vit à Berlin, lui a illustré sa musique avec une série de disques. Il y en avait eu 4 ou 5 à suivre et là il s'agissait d'un split un peu particulier où sur une face Charles Cohen remixe la musique d'un collectif d'origine indonésienne qui s'appelle Seniawa et de l'autre ce qu'on entendait c'était une pièce de Charles Cohen lui-même remixée par Robert Thurman qui est un artiste un peu post-industriel ambiante qu'on vous avait proposé aussi dans L'Asile le plus sûr qui a sorti des choses plutôt bien ces derniers temps notamment chez Hanson Records et autres labels, beaucoup de choses de Robert Thurman comme de Charles Cohen. On va écouter une dernière séquence que tu nous as ramenée, Phil. Ouais, avec deux choses. D'abord, hein, le dernier truc en probablement en date, je ne sais pas si c'est le dernier parce que c'est quelqu'un qui a une discographie qui est assez pléthorique. Eric Lacasa, je ne sais pas si tu as déjà passé celui-là. Le Parazoan Mapping qu'il a fait avec un japonais qui s'appelle Taku Unami, un mec qui lui aussi a une discographie plus que pléthorique, un mec qui fait de l'impro à base de guitare et de laptop, plus Eric Lacasal qui va lui plutôt travailler sur le field recording. C'est un disque plutôt assez sympathique, Parazoan Mapping, et c'est la plage numéro 3 que je vous propose. Il n'y a pas vraiment de titre là-dessus et ce sera suivi de Valerio Tricoli. Donc dernière séquence de l'émission, hein, donc voilà, on dit au revoir directement. Oui, je pense qu'on va dire au revoir directement. Je te remercie, Phil. Bah, c'est moi. De m'avoir accompagné ce lundi. On remettra le couvert d'ici l'été, je pense, tu reviendras. Peut-être, ouais, on essaiera de revenir d'ici l'été. Donc voilà, donc Eric Lacasa, Taku Unami, suivi de Valerio Tricoli. Pour dire que la playlist est intégralement disponible ainsi que le podcast sur le site asile35.blogspot.fr. Merci Phil, bonne semaine. Ciao, ciao. À bientôt.